Abraham envoie son serviteur chercher une épouse loin du pays pour que la promesse ne s'allie pas à des voix qui s'éteignent ici. Le serviteur prie au bord du puits. Il demande un signe de ta main. Et la bonté se présente soudain dans le geste simple d'un cœur humain. Quand nous te confions nos routes, tu ouvres des chemins précis. Tu prépares les rencontres bien avant nos pas. Tu écris les alliances du ciel dans les gestes d'ici-bas. Tu prépares les rencontres quand nous cherchons ta volonté. Et même au bord d'un simple puits, tu fais naître l'éternité. Rebecca accepte l'appel sans tout comprendre. Elle quitte sa maison et ses lendemains. Isaac l'accueille dans la tente de Sarah. Et l'amour guérit ce qui fut chagrin. Ainsi la promesse continue de battre dans un nouveau foyer levé. Et la fidélité s'écrit encore dans une histoire d'amour consacrée. Prépare les rencontres. Tu prépares les rencontres. Nos routes sont dans tes mains.